Oh putain, je viens de tomber sur un livre de science-fiction comique. Attendez, je vais vous lire des extraits. Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Oh, article 2. Chacun peut se... sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue ou de religion. Article 3. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. 4. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. LOL. 5. Nul ne sera soumis à la torture. Relol. Article 6. Chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. Oh mais oui, c'est ça. Tous sont égaux devant la loi et ont droit à une organisation égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre la discrimination. 9. Nul ne peut être arbitrairement arrêté. Détenu ou exilé. 13. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. 14. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile dans d'autres pays. Énorme. Mais c'est quoi ce bouquin là, putain? 18. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun. Non mais il est trop fort ce mec, c'est incroyable. Article 19. Tout individu a le droit à la liberté d'opinion et d'expression. Prendre des informations ou quelques moyens d'expression que ce soit. 23. Tous ont droit sans aucune discrimination à un salaire égal pour un travail égal. Oh putain, heureusement que les femmes sont trop connes pour pouvoir lire ça quand même. Comment ça s'appelle ce bouquin là? Déclaration universelle des droits de l'homme. Oh, c'est trop drôle.